L'éventreur, une enquête de l'inspecteur Barr par Michel Corry. Chapitre 1er, la ville des crimes. Où courez-vous si vite, docteur? Encore un crime, monsieur Prévost. Et la victime? Le petit Gravrot, le fils du charron, un gamin de 15 ans, éventré, comme les autres, le ventre ouvert de haut en bas, ou plutôt de bas en haut, comme les autres, comme les autres. C'est affreux. C'est le 12e en un mois. Quel peut être le misérable? Oui, croyez-vous, un pays si tranquille. Je tiens ma pharmacie depuis 25 ans. Jamais il n'y a eu un crime à Grimaud avant le mois dernier, et 12 presque à la fois. C'est épouvantable, mais comment? On l'a trouvé à 17 heures derrière la mairie, étendu dans son sang. L'assassinat était tout récent. Le corps était encore chaud. Excusez-moi, je me sauve. Ces messieurs du parquet attendent mon rapport. On attend aussi mon confrère Damien, le médecin légiste du chef-lieu, mais je dois faire les premières constatations avec le commissaire Plista. Et le docteur Boutinois partit à grands pas vers le palais de justice de la sous-préfecture. Devant la pharmacie Brévaux, les gens s'étaient amassés, entendant les dernières paroles du praticien. D'abord, les commerçants voisins, Pilon, le grainetier, Chabert, le boucher, Madame Lérand, l'herboriste, qui, bien que concurrent du pharmacien à qui elle ne parlait guère d'habitude, s'était arrêté pour lui dire « Un pauvre petit de 15 ans, et si gentil. Hier encore, il était dans mon magasin pour acheter de l'eucalyptus pour l'asthme de sa mère, la pauvre femme. » « Mais enfin, s'écria Félu, le boulanger, on ne peut donc pas lui mettre la main au collet à cet assassin, éventré, en plein jour, c'est inimaginable. » Tout le quartier, toute la ville était en émoi. C'était une vraie foule maintenant qui stationnait devant la pharmacie. Il y avait là jusqu'à la mère Anita, la folle, qu'on appelait familièrement la mère, bien qu'elle n'eût jamais eu d'enfant. Et aussi l'innocent du village, un pauvre idiot, à l'éternel sourire niais, qui servait de souffre-douleur à tous les roses du pays. Et puis Michelot, le maçon, un colosse sombre, qui n'adressait jamais la parole à personne et qui, aujourd'hui, se contentait d'écouter les autres en hochant sa grosse tête ronde. On vit même Béchu, le cheminot qui passait tous les ans par le pays et qui arrivait justement sa besace à l'épaule. « Tiens, » fit maître Gallet, le notaire qui, sans rien perdre de la gravité de ses fonctions, passait pour un pince sans rire. « Voilà Béchu. Les poules n'ont qu'à bien se tenir. Je parle des poules de basse-cour, bien entendu. » Mais personne ne fit écho à sa plaisanterie. Seulement quelques-uns se prirent à regarder le cheminot d'un air soupçonneux et hostile. De fait, tous les habitants se méfiaient les uns des autres. Quel pouvait être le coupable? On évoquait le mauvais caractère de celui-ci, l'humeur morose de celui-là, et l'atmosphère de la petite ville, chargée d'angoisse et d'horreur, devenait irrespirable. Et en effet, c'était insensé ces crimes renouvelés, en plein jour, ou plus tard à la tombée de la nuit, et toujours le même coup, un ventre ouvert de laine à la ceinture par un coup de couteau. La victime? On peut dire que l'assassin inconnu frappait au hasard. Ainsi avait été assailli et avait été tué sur le coup 12 habitants de Grimaud, une des plus belles petites sous-préfectures de France qui ne comptait guère plus de 3 000 âmes. Des hommes, des femmes, plus de femmes que d'hommes, de tout âge et de toutes conditions sociales. On découvrait, au coin d'une rue déserte, sur une place à certaines heures peu fréquentée, derrière un taillis du square municipal, un corps étendu. Parfois, l'infortunée victime râlait encore, et puis elle perdait, s'il ne l'avait déjà perdu, sa vie avec son sang. Monsieur Lino, le bibliothécaire de la mairie, un vieux monsieur un peu maniaque, toujours perdu dans ses bouquins, et qui parlait tout seul dans la rue en marchant, racontait qu'il y avait un exemple historique de ces assassinats répétés. Il citait la sanglante et tragique histoire de Jack l'Éventreur, qui avait, durant toute une saison, voici presque un siècle, terrorisé Londres. Mais c'était ancien. Lointain, dans un pays étranger. Et puis ce vieux monsieur Lino avait toujours des histoires extraordinaires à raconter qu'il avait lues dans les livres. Et aujourd'hui, il fallait que cette funeste aventure se passât à Grimaud, dans cette charmante et pittoresque localité, cité historique, qui toute la belle saison attirait les touristes. Le parquet de Grimaud avait ouvert une enquête, et même 12 enquêtes, une pour chaque crime. Le procureur monsieur Fulbert et le juge d'instruction monsieur Gomerc étaient effarés. Ils craignaient pour leur avancement. Le maire, Hector Gérardi, qui depuis 30 ans est successeur de son père, administrait avec activité la ville en sa qualité de maire, portait sur son visage la trace des soucis et de l'angoisse, du chagrin aussi. Il ne cessait de presser le procureur, le juge, le commissaire Plista, d'intensifier les recherches, d'appeler au besoin le concours d'un policier de Paris. Et l'on comprenait d'autant plus la désolation de M. Girardi que sa nièce, qu'il affectionnait, avait été l'une des premières victimes du monstre. Il n'avait pas d'enfant, c'était sa plus proche, sa dernière parente. M. Hector Girardi, qui gérait ses propriétés, autrefois riche et étendu du temps de son père, était un grand notable, non seulement du pays, mais de la région qu'il avait appelée au siège de conseiller général. Très actif, très vigoureux en dépit de son âge, M. Girardi, qui soignait mieux les affaires municipales et départementales que les siennes propres, on le louait de négliger celle-ci pour celle-là, avait une grande autorité dans la région. Il s'était voué à la découverte de l'assassin, et c'est lui qui obtint enfin du parquet que fut appelé à Grimaud le jeune et déjà célèbre inspecteur parisien Paul Barre.